Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les nouvelles font parfois trop vite et c'est le cas le 4 septembre 1870. C'est la guerre. L'empereur Napoléon III combat la Prusse qui est entrée sur le territoire français. Voilà des semaines que les nouvelles, malgré le filtre de la propagande, sont de plus en plus inquiétantes. Le journal Le Gaulois, en date du 4 septembre 1870, détaille les batailles qui se déroulent dans l'est de la France. Des journées sanglantes, un carnage épouvantable, peut-on lire. Quant au lecteur du petit journal, ce 4 septembre toujours, il découvre en titre « La victoire de Sedan ». La lutte est-elle achevée à l'heure où je trace ces lignes, se demande le journaliste. Je ne sais. Bah, en effet, c'est une défaite. Et de leur côté, les lecteurs du Temps trouvent un compte-rendu de la bataille des géants, tout en précisant que les nouvelles sont contradictoires. Oui, mais voilà, ce 4 septembre 1870, le journal Le Temps lance un nouveau tirage un peu plus tard dans la journée. Et là, les nouvelles sont fracassantes. L'empereur est prisonnier. Les députés ont voté sa déchéance. Un peu plus tard dans la journée, à 3h de l'après-midi, une brève est insérée dans le journal. Le bruit court que la Chambre a proclamé la République. Le bruit était exact. La France est République. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes intéressés aux expériences républicaines, antiques, médiévales, des expériences sous la Révolution française, bien sûr. Et puis aujourd'hui, 4 septembre 2020, écho au 4 septembre 1870, il y a 150 ans, était proclamée la Troisième République. Et pour nous en parler, pour parler même de manière plus globale de cette notion de République, Jean-Noël Jeannet, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le cours de l'histoire. Vous êtes professeur émérite des universités et je ne sais s'il faut vous présenter, mais si il faut vous présenter, Jean-Noël Jeannet, et les auditeurs de France Culture vous connaissent. Vous êtes historien de la politique, de la culture et des médias. Et d'ailleurs, vous avez été président de Radio France Internationale aussi. Jean-Noël Jeannet, au-delà de ce moment particulier de l'anniversaire, il y a quelque chose de marquant avec ce 4 septembre. Il y a une station de RER à Paris 4 septembre. Il y a des rues dans toute la France. Il y a des 4 septembre. Et pourtant, cet anniversaire essentiel, proclamation de la Troisième République en France, est un peu oublié. On parle un peu de la guerre de 1870. Pourtant, c'est un événement fondateur, ce 4 septembre. Oui, en effet. Si vous faisiez un micro-trottoir, ce n'est pas le genre de la maison, en sortant de la station du 4 septembre, on découvrirait probablement que assez peu des passants, des citoyens, des citoyennes savent vraiment ce que cela représente, alors que le 14 juillet, la nuit du 4 août, le 8 mai ou le 11 novembre, on sait. On ne sait pas tellement ce que c'est que ce 4 septembre. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est peut-être, enfin, ce qui est le plus intéressant, c'est de réfléchir à la raison pour laquelle ce 4 septembre est oublié. En contraste violent avec le fait qu'après tout, c'est une installation de la République qui a duré beaucoup plus longtemps que les autres moments fondateurs. Ce contraste m'a toujours frappé à propos du 4 septembre 1870. Pourquoi est-ce qu'il a été oublié? Peut-être parce qu'il n'est pas très flamboyant. Vous évoquiez des citations du temps. Il n'y a pas eu de véritable émeute. Il n'y a pas eu de sang versé. Tant mieux, mais on n'a pas l'habitude de changer de régime sans quand qu'il y ait un certain nombre de morts. Et cela s'explique probablement aussi par le fait que les militaires qui étaient à Paris étaient plus que désorientés, heurtés, blessés par le fait que la défaite avait été aussi patente et que la guerre avait été contre la Prusse conduite de façon aussi lamentable avec l'échec de Sedan. Donc ils n'ont pas eu envie, même à supposer qu'on les ait convoqués pour empêcher le peuple de s'approcher du palais Bourbon, ils n'ont pas eu envie de le faire. Oui, le contexte est vraiment essentiel, hein, vous avez raison, Jean-Noël Jeannet, de le souligner. Le Second Empire est renversé au moment où l'empereur est fait prisonnier début septembre à Sedan. La République est proclamée le 4 septembre. La guerre continue. C'est une république qui est proclamée en temps de guerre. Elle va continuer longtemps, jusqu'en 1871, de fait. Mais il est très rare qu'un régime survive à une défaite éclatante. On l'a bien vu au XXe siècle. L'Argentine n'a pas survécu à la défaite des Malouines. On pourrait dire la même chose d'un certain nombre d'autres États contemporains. Donc ce n'est pas une surprise. Mais néanmoins, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu, pourquoi est-ce qu'on le connaît si peu? Je pense que c'est en partie aussi parce que les événements, alors extraordinairement frappants, brillants, sinistres, sanglants, qui ont suivi, ont un peu occulté la mémoire. Je pense évidemment au siège de Paris d'abord, qui est un peu ultérieur par les Prussiens, et surtout, je pense à la Commune de Paris. Qu'on aura éventuellement la possibilité, je suis sûr que vous y pourvoirez, Xavier Maudit, l'occasion d'évoquer, de commémorer, célébrer peut-être, l'année prochaine. Et puis il y a eu la défaite en définitive. Tout ça fait que l'événement n'a pas gardé sa trace, n'a pas mis sa marque dans la mémoire collective. Et puis aussi, je pense que ça tient au fait qu'il y a eu dans l'historiographie de gauche ou d'extrême gauche beaucoup de critiques à l'égard de cette révolution, puisque ce ne sont pas les mouvements marqués de ce côté-là qui l'ont emporté, comme ça aurait pu arriver pour un temps, et à la différence finalement de la première révolution française, mais que ce sont des républicains sages, qui ont été de plus en plus sages, qui étaient les élus des élections de 1869, qui ont fait en gros le gouvernement provisoire. Vous savez, ils ont pris une sorte de lavette à la tête, le général Trochu, un septuagénaire un peu mou, que Victor Hugo a fustigé dans des vers fameux, participe passé du verbe trochoir, homme, etc., Trochu. Donc, ensuite, il y avait la République des Jules, il y a eu Jules Fabre, Jules Simon, Jules Ferry. Tout cela qui ensuite, à partir des années 70 finissantes, ont choisi de faire un certain nombre de concessions. C'est ce qu'on appelait l'opportunisme, de faire des concessions à la bourgeoisie et de ne pas se précipiter goulûment dans le sens d'une révolution immédiate. Cela aussi a détaché de la mémoire, je crois, du 4 septembre un certain nombre de courants de politiques en France. Tout ça s'explique de la sorte. Et pourtant, c'est vraiment paradoxal puisque c'est une révolution réussie. Une révolution très réussie, c'est le régime qui en est sorti, et le plus long jusqu'à aujourd'hui, un peu plus long encore que la Ve République, si j'ai bien compté, que la France est connue. Elle est disparue aussi dans une défaite en 1940, mais jusque-là, ça a marché. C'était pas évident, franchement. C'est pour ça qu'il faut s'interroger là-dessus, parce que la France n'était pas républicaine. Oui, c'est la vraie question. En plus, c'est vrai que les Français n'étaient pas, dans leur majorité, favorables à la République en 1870. Ça explique aussi peut-être pourquoi le 4 septembre n'a pas été mis en avant. Probablement. Quelques semaines plus tôt, l'empereur Napoléon III avait fait un plébiscite assez habile, parce qu'il avait posé la question « Est-ce que vous approuvez les réformes libérales que j'ai assurées ?» Mais la France avait voté très largement pour l'empereur, sauf Paris. Paris, toujours au XIXe siècle plus à gauche, qui avait au contraire en majorité voté contre l'Empire. Mais dès lors qu'il est tombé, dès lors que l'un des trois grands courants politiques de la France est en berne provisoirement, je veux dire les bonapartistes, il ne reste plus que les royalistes et les républicains, qui sont forts, mais on reste encore minoritaires. Et tout ce qui explique ce qui s'est passé ensuite, comme toujours, c'est la rencontre entre une détermination de longue main d'un certain nombre d'acteurs et d'autre part une part de hasard. Puisque les royalistes, en fait, dominaient l'assemblée qui a été élue au début de 1970, qui s'est réunie à Bordeaux, et qui détestait tout ce qui pouvait être l'idée de républicain, sauf un certain nombre de gens, comme Clémenceau, mais ils ont souvent démissionné. Et ensuite, finalement, la question s'est posée de savoir qui l'emporterait du courant royaliste et du courant républicain. Pendant très longtemps, on a pensé que les royalistes l'emporteraient. Ils avaient désigné à un moment donné Thiers comme chef du pouvoir exécutif, puis comme président de la République, mais ils l'ont trouvé trop à gauche, qui dans le cas Thiers était un peu étrange. Ils ont nommé le maréchal de MacMahon comme président de la République, et lui était là pour assurer le retour du roi. Ça, c'était ce qui était prévisible à l'époque. Mais ce qui s'est passé, et qui est passionnant à restituer, ce sont deux choses. Une part de hasard. Il y avait chez les royalistes deux familles. Alors, il y avait une famille légitimiste, le petit-fils de Charles X, le comte de Chambord, et puis une famille orléaniste, qui était en bisbille, en désaccord. Les orléanistes auraient été prêts à attendre, Mais le comte de Chambord s'est accroché à l'idée qu'il fallait restituer, contre le drapeau tricolore, que Louis-Philippe, en 1830, avait eu la très bonne idée de restituer et de rendre à la France, que le drapeau tricolore était insupportable et qu'il fallait avoir le drapeau blanc, que d'ailleurs n'avait jamais été vraiment le drapeau de la France, mais peu importe, il s'est accroché à ça. Et à telle enseigne que les deux branches se sont divisées et qu'on n'a pas pu faire venir le comte de Chambord. Quelqu'un a dit, vous savez, à l'époque, puisque Dieu ne lui a pas ouvert les yeux, il suffit d'attendre qu'il les lui ferme. Mais la mort est survenue trop tard et entre-temps, les royalistes n'ont pas vu monter un républicanisme modéré qui a été incarné par Gambetta et qui développe sa force dans le courant des années 1870 jusqu'à un moment absolument essentiel, un moment capital qui est le moment du 16 mai, au moment où s'affrontent vraiment les élections des républicains et des royalistes. Mais entre-temps, pardon, je vous fais un cours d'histoire, mais vous avez invité nous un professeur d'histoire. Avec et puis grande vous, attention, Jean-Noël Jamais. Chez vous, on n'est pas surpris. Entre-temps, Gambetta, contre l'extrême-gauche, contre ce qu'était par exemple un Clémenceau ou d'autres à l'époque, avait décidé qu'il fallait prendre le pays dans le sens du poil et expliquer en particulier à la paysannerie et à la moyenne bourgeoisie que l'ère du temps faisait progressivement émerger en France, que la République, ça n'était pas les partageux, que c'était pas les rouges, qu'on n'allait pas les dépouiller de leurs biens et créer un désordre absolu, mais qu'on allait au contraire installer un système où ils pourraient s'exprimer, où on prolongerait l'idée du suffrage universel assuré, etc. Et progressivement, Gambetta, de la sorte, avec les siens, hein, les classes, les couches nouvelles, Gambetta a assuré par conséquent que la République puisse rassurer. Et à partir du moment où les royalistes étaient plus ou moins déconsidérés, eh bien, il restait la place pour eux. Et c'est là qu'on a vu émerger la République, qui n'était pas évidente. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est évident, mais encore dans les années 1880, beaucoup pensaient qu'elle était fragilisée. Et même quand Boulanger est arrivé à la fin des années 80, on a pu penser que c'était le retour à une sorte de néo-bonapartisme. Eh bien, pas du tout. Simplement, ils ont été opportunistes. Alors, ça paraît un peu... Comment dire, on peut avoir l'impression un peu critique que tout ça était un peu mou, mais n'empêche que ils ont finalement, sur 30 ans, réussi à instaurer, en termes politiques, je ne parle pas de l'aspect social, en termes politiques, ils ont réussi à installer toutes les grandes réformes que les Républicains en 1869 avaient annoncées. Simplement, ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps, mais ils l'ont fait jusqu'en 1914. Si vous regardez... Par exemple, la liberté de la presse, magnifique loi de 1880, si vous regardez la séparation de l'Église et de l'État, laïcité. 1905. Si vous regardez, évidemment, l'instruction privée laïque gratuite et obligatoire avec Jules Ferry, si vous regardez l'impôt sur le revenu progressif qui est installé avant 1914, tout ça a été fait. Ça avait été annoncé, ça effrayait, on a attendu, on a retardé. Il y a deux choses qu'on n'a pas faites, c'est pas vraiment une surprise, la suppression des armées permanentes et l'élection des fonctionnaires. Deux autres vœux exprimés par le programme de Belleville de Gambetta en 1869. Il n'empêche que c'est comme ça que, parmi beaucoup de heurts, de chaos et d'opposition, la République s'est installée. Il n'empêche pas, évidemment, que pendant très longtemps, il y avait encore une force à droite qui était hostile, notamment du côté des catholiques. Par parenthèse, la droite s'est ralliée progressivement. C'est ça qui fait rire un peu lorsqu'on voit que la droite en France a choisi de s'appeler les Républicains. Les Républicains, alors en regardant ça, prétendre en quelque sorte monopoliser ce terme alors que leurs ancêtres ont mis du temps à rallier la République. Ils sont des parfaits républicains aujourd'hui. On a pris entre un peu d'ironie et un peu de stupéfaction. Oui, puisque vous avez fait, Jean-Noël Jeannet, et très pertinent de se placer à ce moment du 4 septembre 1870 et de dire ce n'est pas obligatoire la République, parce que différentes voies sont possibles. Il y a l'Empire, le bonapartisme, il y a la monarchie, et vous l'avez bien souligné, et là encore il y a différentes voies parmi les royalistes, et puis il y a la République. Mais cette République, cette troisième République, qui est omniprésente dans notre environnement, les rues de la République, les avenues de la République, c'est la troisième le plus souvent. Gambetta, le nombre de Gambetta que nous voyons en France, et Ferry, et tous ces gens qui ont construit cette République, s'arrêtent en 1940, au moment de la défaite. Mais si l'on regarde sur un temps un peu plus long, la République en tant que telle, oublions la numérotation, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, la République est là depuis 1870. Comment expliquer cet attachement des Français à ce régime, à la République? Il n'y a qu'une parenthèse, c'est la période de l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est sous la botte de l'ennemi, c'est le régime infâme qui est un accident dramatique de l'histoire, mais ça n'interrompt pas la permanence de la République. Voilà, c'est ça. Les valeurs, elles, restent là, restent présentes. Il y a un attachement de la France à la République. Vous le vivez comment? Vous le lisez comment? C'est cette longue histoire révolutionnaire? Je le vois d'abord vous êtes comme moi historien, mon cher confrère. Je le vois comme un attachement à une longue durée, une très longue durée. Il y a les références à l'Antiquité gréco-romaine qui va être enseignée pendant très longtemps en détail. Et c'est vrai que l'image un peu mythifiée d'Athènes ou de la République avant l'Empire à Rome, tout ça compte. Mais ça n'est pas vraiment l'essentiel. Il y a l'héritage d'un certain nombre de penseurs du 19e siècle qui ont annoncé une France plus fraternelle et qui compte. En fait, si on prend les trois morceaux de notre devise, c'est intéressant de se demander en quoi la République a pu la servir. La liberté de conscience, d'exercice de culte, etc. Il y a des défauts, il faut être extrêmement vigilant, il y a toujours des risques, on le voit encore aujourd'hui, surtout quand il y a des menaces majeures contre une nation. Mais enfin, on peut dire que la liberté a été en gros assurée, surtout si dans l'espace on compare à la plupart des pays d'aujourd'hui. L'égalité, ça on est toujours asymptotique à l'égalité. Enfin, on a toujours posé le principe en République que chacun devait avoir des chances égales au départ. Alors, hélas, on est aujourd'hui extrêmement loin de ça, et ce doit être constamment un effort pour à mes yeux, vous m'interrogez sur la République, un effort pour pouvoir diminuer l'inégalité des chances au départ. Et on a toujours tendance à reculer, problème, je ne développe pas aujourd'hui comme hier. Quant à la fraternité, c'est un très beau mot qui a surgi en fait en 1848, au moment de la République, la seconde, qui était un peu auréolée de quelque chose comme du sacré, comme de l'espérance. On peut appeler ça la solidarité, c'est le mot que préfèrent les hiérarques de la Troisième République, la solidarité. Il a fallu assez longtemps pour que la République affirme cela avec force. En gros, la Troisième République, qui a été si brillante dans le domaine politique, a été lente dans le domaine social. En 1914, la France est en retard sur l'Allemagne, par exemple, de Bismarck, quant aux lois sociales diverses sur la condition des ouvriers, le travail des enfants, enfin tout ce qui est social est important. C'est d'ailleurs pourquoi, par parenthèse, l'Alsace et la Lorraine, entre autres, n'ont pas voulu rentrer en 1919 aussitôt dans le giron de la République, comme les plus jacobins des dirigeants l'auraient souhaité. Donc la fraternité, en fait, il faut attendre, il y a un certain nombre de lois, mais il faut attendre le moment lumineux, les jours heureux. Comme on a dit, le programme du CNR, il a fallu le moment lumineux de 1945, c'est-à-dire les effets de ce grand traumatisme, pour que soit créée cette chose que, quand même, aujourd'hui encore beaucoup de gens nous envient, en dehors de l'Europe continentale, c'est la sécurité sociale, à quoi les républicains sont tellement attachés. Et il me paraît que cela fait partie désormais à fond de la solidarité. Alors ensuite, il y a toutes les questions aujourd'hui, les questions des retraites, j'entre pas dans l'actualité. Il me semble simplement que la longue durée de l'histoire de la République peut permettre, à partir de ces principes, de jeter un regard spécifique et discriminant sur les choix que nous avons à faire aujourd'hui dans ces domaines essentiels. Voilà, c'est une façon, si vous voulez, de définir la République comme je la sens, comme je l'éprouve et comme je l'aime. Oui, comme vous l'aimez. Jean-Noël Jeannet, justement, vous publiez Le Rocher de Sustaine. Merci pour cette transition. Mais oui, parce que mémoire 1942-1982, et dans cet ouvrage, vous parlez beaucoup de la République, le mot apparaît, la République par votre vécu personnel et familial, la République comme une évidence, la République en tant que notion, que régime, et puis la République en tant que 3e, 4e, 5e République. D'ailleurs, on voit que la 3e République apparaît souvent dans l'ouvrage parce que elle est évoquée, parce que nous sommes héritiers de cette 3e République. Et Jean-Noël Jeannet, vous donnez une sorte de définition de la République, ou en tout cas une idée de la République. Vous dites qu'elle doit être forte seulement si elle s'ancre dans les longs combats de la générosité sociale et d'une laïcité inébranlable. Le régime république ne veut pas dire démocratie, ne veut pas dire laïcité. Une monarchie peut, sous une certaine manière, proposer une laïcité. Elle peut être sociale aussi, en partie. La République est un régime particulier auquel nous sommes attachés. Et c'est cet amour-là de la République, le vôtre que vous évoquez, qui est partagé par les Français. Il y a quelque chose qui nous relie à ce régime. Vous, et vous êtes l'auteur de mémoire, vous avez réfléchi à ce parcours. Quel est cet amour qui vous relie à la République? J'aime assez, Xavier Mauduit, que vous avez frappé, vous soyez sensible à une sorte de fil qui court en effet à travers ce livre, qui est un livre d'historien, certes, réfléchissant un peu à lui-même, mais ce n'est pas un livre d'égo-histoire. Il se trouve qu'en effet, pour des raisons, je n'ai aucun mérite à ça, des raisons de là où je suis né, j'ai été à même d'observer beaucoup de choses. Alors, ça ne veut pas dire que Ça suppose pas du labeur, je prétends pas être... La question, une fois qu'on a de la chance, il faut ensuite travailler un peu. Il y a aussi des concours de la République, n'est-ce pas, qui servent à le prouver. Mais là n'est pas l'essentiel. J'ai eu en effet envie de réfléchir à ce qu'avait pu être mon parcours quelque part entre les activités intellectuelles, l'histoire, l'école normale, etc., et d'autre part... la vie politique. Parce que, disons les choses clairement, il se trouve que mon grand-père était président du Sénat après avoir été ministre de Clémenceau et que mon père a été ministre de Gaulle à plusieurs reprises dans les années 60. Mais en même temps, ils ont toujours représenté aussi une bourgeoisie universitaire. En gros, il y a une bourgeoisie politique, une bourgeoisie universitaire, je simplifie, et une bourgeoisie d'argent. Ça aurait été très loin de la bourgeoisie d'affaires, de la bourgeoisie d'argent. Et c'était dans ce milieu-là qu'il se trouve que j'ai en effet grandi. Et j'ai eu envie, par conséquent, d'évoquer dans ce livre tout ce que j'ai pu observer. Mon père me racontait beaucoup de choses, donc j'ai vu beaucoup de choses. J'ai eu envie de raconter comment j'ai vécu tout ça. Par exemple, le hasard m'a permis, alors que je suis parfaitement mécréant, d'aller pendant 6 semaines, dernière session du concile. Je raconte ça. Par exemple, grâce à mon père, j'ai été à Colombey-les-Deux-Églises le 30 décembre 1969, quelques jours après la visite de Malraux des chaînes qu'on abat, vous savez. Et donc, évidemment, je raconte ça tout à fait en détail. J'ai eu envie de raconter aussi mai 68. C'était mon service militaire, mais j'ai quand même vu les choses de près. Comment j'ai vécu ça pendant que mon père me racontait ce qui se passait au gouvernement. J'ai eu envie de raconter les voyages que j'avais pu faire. Et au fond, tout ça constitue un livre qui finalement m'a conduit à la présidence de Radio France. 82, c'est le moment où j'arrive à la présidence de Radio France. C'est un chemin parmi d'autres, j'ai observé beaucoup de choses, j'ai essayé de faire passer des portraits de personnages que j'avais par chance croisés, j'ai essayé de les restituer, les Paul Morand, les André Malraux, les Edgar Faure, les Saint-Jean-Perse, Kerensky, l'homme de 17 par exemple que j'ai vu aux États-Unis. J'avais, quand je revois le jeune homme que j'étais, c'est vrai, un appétit de connaître, de comprendre, et je l'ai fait, je crois en effet, en République, avec à la base, je crois que je le dis ici ou là, un moment fondateur que mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle, qui elle était protestante, m'ont vraiment inculqué, je veux dire, l'affaire Dreyfus. En repensant à tout ça, vraiment l'affaire Dreyfus qui rassemble toutes les idées d'universalité, d'ambition de la République, avec le pire naturellement, le pire de la haine, les fake news déjà, les envies épouvantables, et puis en même temps quelque chose comme une gloire qui a illustré la République, parce que finalement Dreyfus a été innocenté. Vous savez qu'il y avait deux réactions, celle de Herzl, qui était un des fondateurs d'Israël, qui a dit « je pourrais jamais rester dans un pays qui a condamné un officier parce qu'il était juif », et puis Lévinas, qui a dit à son fils « il faut que tu ailles là, puisque c'est le pays qui était capable de se soulever tout entier pour innocenter un condamné injuste ». Alors c'est aussi une idée de la République. Voilà, vous me faites évoquer ce livre, c'est dans ce sens que je l'ai écrit. Mais c'est dans ce sens aussi où je l'ai lu. Le rocher de Sustaine, mémoire. Je ne donne pas votre âge par discrétion, Jean-Noël Jeannet, 1942 de votre année de naissance à 1982. Vous avez des façons de ne pas donner l'âge que je salue avec un sourire. Mais c'est vrai que l'on peut lire ce livre tel que je l'ai lu, c'est-à-dire qu'il y a une traversée de 40 ans d'histoire de France, et en cela on voit l'histoire de France. Et après, il y a, on utilise le mot anecdote ou scénette, peu importe comment on l'utilise, des moments et des personnages. Et parmi tous ces personnages, évidemment, il y a votre famille. Vous évoquiez votre père Jean-Marcel Jeannet, je vous propose justement de l'écouter, lui qui raconte lui-même ses souvenirs, comme une mise en abîme de vous qui racontez vos souvenirs et de lui qui évoque les siens. C'est dans À Voix Nue, c'est ça? C'est ça, exactement, dans l'émission À Voix Nue. Jean-Marcel Jeannet, vous disiez qu'on parlait politique à table chez les Jeannet. Ça remonte, pour moi, je ne peux pas dire quand ça a commencé. Oui. Je ne peux pas dire quand ça a commencé parce que pendant la guerre de 14-18, mon père était secrétaire d'État à la guerre et à la présidence du Conseil dans le gouvernement Clémenceau. Et je me rappelle très bien cette époque. Je me souviens même un soir où ma mère m'a allé chercher mon père au ministère de la guerre et elle m'a emmené. Et Clémenceau est sorti avec mon père et il m'a vu, il m'a dit « Comment t'appelles-tu ?» Je dis « Jean-Marcel. Pourquoi pas simplement Nicolas ?» Et puis, il a mis la main sur ma tête et effectivement, j'ai ce que j'appelle la bosse franc-comtoise, un peu derrière. Et il a mis la main, il m'a dit « Mais c'est la bosse du crime que tu as là !» Car vous savez qu'il était médecin. Il était médecin. Il était médecin et à une époque où la phrénologie était à la mode avec Broca. Vous vous rappelez ? Bon. Stock, vraiment, vous étiez fait pour faire de la politique. Vous êtes né dans la politique. Je suis né dedans. Je ne sais pas si j'étais fait pour ça, mais je suis né dedans. Il est né dedans. C'est votre père qui parle, Jean-Marcel Jeanneney. Vous m'avez fait grand plaisir en me permettant de l'écouter à nouveau, parce que nous étions très différents et très proches en même temps. Jusqu'à sa mort, à 100 ans pratiquement, j'étais orphelin très tard. Nous avons nourri une intimité que j'essaye de restituer dans ce livre. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui font des bouquins, il y en a encore tout récemment, si j'ai bien compris, pour expliquer à quel point leurs rapports ont été détestables avec leur père. Je suis content de faire une note légèrement dissonante par rapport à ce pessimisme. Avec beaucoup d'échanges, justement, beaucoup, avec votre père. On le sent. Dans une différence, c'était un ingénieur, j'étais beaucoup plus littéraire. Mais peu importe, c'est peut-être ça qui nous a permis d'être aussi complices jusqu'à la fin. Je me manque toujours beaucoup, j'ai souvent envie de lui dire, qu'est-ce que tu en penserais? Ouais, c'est une relation qui se tisse, et on le sent à travers votre ouvrage Le Rocher de Sustaine, Jean-Noël Jeanneney. Il y a sans cesse l'évocation de dialogue, d'observation. Vous disiez, il vous racontait ce qui pouvait se passer au gouvernement. Je le notais le soir. C'est merveilleux. Et justement, j'allais vous poser cette question-là. Vous êtes historien et dès lors, vous savez, les mémoires, objet d'études sublimes, mais à la fois toujours à regarder avec précaution parce que ce sont des reconstructions. Mais quand on est historien, on le sait déjà, on le sait plus que quiconque. Comment avez-vous écrit? Je suis persuadé que, mais on le voit en le lisant, vous êtes parti aux sources, le métier d'historien. Vous avez regardé les documents, il y a les archives familiales, il y a quelque chose qui guide votre écriture. En fait, ce sont essentiellement outre ma mémoire, naturellement, des notes que j'avais prises tous les moments où j'avais l'impression que c'était important. Encore une fois, je déjeune en accompagnant mon père à Colombey en décembre 69. Vous pensez bien que, aussitôt après, je me suis précipité sur mon écritoire. Et on peut le dire de beaucoup de choses, de beaucoup de moments, effectivement, que j'ai notés. Et puis, j'ai tenu un journal, mais je n'ai pas voulu publier ce journal, parce qu'il y a beaucoup de dire, il y a à boire et à manger, forcément. Et ça aurait été une solution, mais franchement, je préférais en tirer la moelle pour nourrir ce livre, qui évidemment est aussi marqué par ce qui est arrivé ensuite. Et forcément, je prétends pas le contraire. Je suis assez historien pour savoir qu'il y a une subjectivité chez l'auteur. Je ne la déguise pas. Mais j'ai aimé réfléchir à ce qu'il pouvait y avoir de rencontre entre le hasard et la détermination. Peut-être d'ailleurs allez-vous me demander pourquoi ça s'appelle Le Rocher de Sustaine. J'allais vous le demander parce que... Pardon, c'est une déformation de confrère. On a l'habitude aussi de poser des questions. Mais c'est une déformation qui est nécessaire parce samedi que matin. Hasard... c'est vrai, prédestination est la question qui se pose. Jean-Noël Jeanneney, tous les samedis matins, la concordance des temps. Concordance des temps. Quelle est cette concordance des temps? Quelle est cette magie du temps et ce hasard qui peut faire changer les choses? Et le titre de vos mémoires, Le Rocher de Sustaine, évoque justement ce hasard. Racontez comment commence l'ouvrage. Oui, j'ai choisi de le commencer en évoquant un moment qui aurait pu me priver d'avoir le plaisir, Xavier Mauduit, d'être devant vous à ce micro ce matin. Puisque j'avais 18 ans, je rentrais en deux chevaux avec des amis d'un voyage en Grèce, lorsque près d'Andermatt, près du Saint-Gothard, col de Sustaine, nous suivions une voiture américaine énorme avec notre petite deux chevaux qui éclairait mal la route, c'est pour ça que nous la suivions d'ailleurs, et tout à coup on a vu une espèce de phénomène incompréhensible, et un énorme rocher, grand comme la moitié de ce studio, s'est écrasé sur la voiture et a tué les habitants dans des conditions affreuses, et nous sommes arrêtés à 3 mètres. Ça a été pour moi ensuite, évidemment, une réflexion particulière, parce que la Camarde m'avait frôlé sur la part de hasard. Mais je me hâte de dire que je ne résume pas tout au hasard. La question est de savoir comment le hasard se combine pour créer chaque conjoncture entre des forces profondes qui vivent à des rythmes différents et sa propre liberté d'homme, dont je ne minimise pas la dimension. Tout en rappelant, comme vous le faisiez tout à l'heure, que c'est un danger de croire que ce qui est arrivé devait arriver forcément. C'était un grand péril pour les historiens. La difficulté d'imaginer que ça aurait pu tourner autrement. Et notre métier, c'est probablement de restituer à chaque instant la diversité des possibles qui n'ont pas eu lieu. C'est d'ailleurs une façon d'évoquer la liberté de l'homme qui a choisi entre ses possibles. Ce qui veut dire que le hasard, heureusement, n'est pas le seul à faire que notre chemin se dessine comme il le dessine. Et c'est ça qui m'a toujours passionné, un peu comme acteur, ayant eu quelques rôles publics ou parapublics, et beaucoup comme historien, pour réfléchir à chaque moment. Et puis, il y a des figures aussi. Il y a des actions, il y a des personnalités, il y a des pensées. Et dans Le Rocher de Sustaine, Jean-Noël Jeannet, vous évoquez ces rencontres. Et elles sont décisives, ces échanges, ces constructions intellectuelles, ces gens qui prennent part à l'action politique et qui changent les choses. Et puis, d'autres qui sont là pour réfléchir et pour conseiller. Le vivant, la chair, l'action, les hommes, les femmes, c'est essentiel en histoire. C'est pour ça qu'aussi que c'est intéressant de les rencontrer à travers votre écriture. C'est exactement ce fil que j'ai essayé de suivre, ce dessin qui était le mien en commençant ce livre qui correspond aux 40 premières années de ma vie d'homme, oui, et d'en tirer profit pour m'efforcer de restituer des moments différents, y compris ma formation, c'est-à-dire la Cagne, c'est-à-dire École normale, c'est-à-dire le choix d'être historien. J'avais hésité à un moment donné, fou que j'étais, entre la philo et l'histoire. Et j'avais été interrogé Michel Foucault, qui était le membre du jury, avec Hippolyte, le membre du jury à l'entrée de l'École normale. J'ai dit, écoutez, c'est très prestigieux, la philo, j'hésite entre les deux, l'histoire et la philo que vous illustrez si bien. Il m'a aussitôt dit, soyez historien. Alors pendant 24 ans, j'étais un peu agacé. Et maintenant, j'y suis gré parce que je crois en effet que j'aurais fait un très mauvais philosophe. Et Michel Foucault, en plus, qui s'est drôlement intéressé à l'histoire, parce que c'est vrai que sa démarche de philosophe nous parle en tant qu'historien, et elle enrichit hein, d'ailleurs l'histoire. Mais Jean-Noël Jeannet, dans ses rencontres, dans ses personnages, et puis dans cette évocation de la République, ce que j'ai apprécié dans Le Rocher de Sustaine est cette évocation du régime, au-delà du débat politique. Au-delà de toutes les polémiques du moment, et on le voit bien quand vous évoquez des moments forts de notre histoire, 1958, la mise en place de la Ve République, la fin de la guerre d'Algérie, 1968, la République est convoquée. Étonnamment, vous regarderez, mais toutes les républiques, la troisième et la quatrième, il y a des échos qui sont faits sans cesse à travers notre histoire. Vous faites un peu ce que faisait le général de Gaulle. Écoutez, c'était le 4 septembre 1958, la grande manifestation Place de la République, où le général de Gaulle résumait en fait notre histoire, nos républiques, avec là évidemment un clin d'œil au 4 septembre. Certes, la République a revêtu des formes diverses au cours de ses règnes successifs. En 1792, révolutionnaire et guerrière. En 1848, on l'a vu s'élever au-dessus des barricades. Le 4 septembre 1870, au lendemain de Sedan, on l'a vu s'offrir au pays pour réparer le désastre. Le général de Gaulle, le 4 septembre 1958, place de la République à Paris, qui évoque les formes diverses de la République. Il dit à la première, à la deuxième, à la troisième, etc. Mais en fait, ça reste la République. Ces formes diverses ne permettent pas de comprendre les polémiques du moment. Il est possible aussi de prendre de la hauteur sur l'attachement que les Français ont à la République. Et en cela, nous voyons par des choix individuels ces grands personnages de la République. L'expression arrive souvent « serviteurs de la République ». Il y a de cela aussi à travers vos mémoires, Jean-Noël Jeannet, « servir la République ». Servir la République, c'est aussi participer sans obligatoirement faire de politique. Serviteur de la République, vu votre famille, votre grand-père, votre père, et puis généralement les gens que vous avez pu rencontrer, ça a un sens, c'est quelque chose qui est significatif, servir la République. Oui, oui, oui. Mon père a d'ailleurs écrit des souvenirs sous le titre « Une mémoire républicaine ». Cela dit, je trouve qu'il faut trouver son chemin entre l'emphase et la détermination et la fidélité à la République. Je ne suis pas prêt à entonner des péants de vivre la République. Chacun est républicain et il ne faut pas se gargariser de cela. Mais c'est vrai que je ne suis pas le seul et ma famille n'est pas la seule. C'est vrai que pour l'instant, on ne m'a pas prouvé qu'aucun autre régime était préférable, quitte à l'améliorer constamment, bien sûr. À l'améliorer et à le pourvoir de toutes sortes de qualités nouvelles. Nous l'évoquions tout à l'heure, en particulier du point de vue de la solidarité. Mais aussi, alors je mets évidemment tout à fait au centre la laïcité. Là encore, ce n'est pas original, mais c'est fondamental. La France, à cet égard, devrait être exemplaire. Et tous les efforts qu'il y a, tous les moments, ont été déployés ici ou là pour s'en prendre à la laïcité, dans l'ordre de la théorie, dans l'ordre du concret, ces efforts doivent être, à mes yeux, déjoués. La laïcité que l'on pourrait ajouter à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et la laïcité reste quelque chose d'essentiel qui renforce la liberté, l'égalité et la fraternité d'ailleurs. Oui, je vous rejoins tout à fait sur ce point. On n'est pas important de changer très souvent la Constitution, il faut y toucher avec un doigt tremblant, car les textes sont faits pour durer, ça n'empêche pas de les changer de temps en temps, mais enfin, je serai prudent à cet égard. Oui, avec des réflexions que l'on peut lire dans Le Rocher de Sustaine, Jean-Noël Jeannonet, et pourtant la République est le moins mauvais des régimes. Ce sont des réflexions que l'on entend, qui traversent en fait notre histoire. Nous évoquons le 4 septembre 1870, quand la Troisième République est proclamée. Il y a évidemment des républicains fervents. Puis il y en a d'autres qui sont attentistes. Il y a aussi ce choix de la République comme le moins mauvais des régimes. Cela convient à notre pays. Oui, c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de régime idéal et d'une certaine façon, l'esprit républicain est fait aussi constamment d'une frustration conquérante, une frustration positive, une frustration qui doit pousser à l'action. Alors ça ne me choque pas du tout qu'on ne jette pas des fleurs d'admiration constante à la République, sauf de temps en temps, place de la République à Paris ou ailleurs. Il n'empêche que Marianne, j'aime mieux voir Marianne sur nos mairies que le buste de Louis-Napoléon, de Napoléon III, ou celui de Louis-Philippe. Oui, je suis reconnaissant, comme beaucoup de gens, à nos ancêtres pour cela. Et oui, la République, c'est la prunelle de nos yeux. Fragile. Fragile. Je crois que c'est le cas de votre prunelle, en tout cas de la mienne. Oui, elle l'est. Et comme vous le disiez, Jean-Noël Jeannonet, la République, on peut y adhérer, mais cela n'empêche pas de revendiquer, de contester, de réfléchir. C'est ce que fait Montéus, chansonnier, admirable chansonnier, plutôt à gauche. Hein, proche de la Légion d'honneur pendant la guerre, quand même. Bah voilà. 18. Oui, parce qu'il s'est rallié à l'Union sacrée. Salut à vous, les petits gars du 17e, sa fameuse chanson. Et il est aussi l'auteur de On est en République. C'était une chanson en 1908. Donc Armand Fallière, alors président de la République. Et là, la version que nous entendons est chantée par Marc Robin. On est en République, répertoire Montéus. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Enfin ça y est, on est en République. Tout marche bien, tout le monde est content. Le président, ça c'est symbolique, ne gagne plus que 200 000 francs par an. Aussi on a les retraites ouvrières, 10 sous par jour, ça c'est un vrai bonheur. La nation française peut être vraiment fière, vive les trois couleurs. On est en République, tout marche bien, tout le monde est content. Le directeur de l'assistance publique ne touche plus que 45 000 francs. Aussi l'on donne maintenant aux filles-mères, afin qu'elles soient à l'abri du malheur. 3 francs par mois, c'est humanitaire, vive les trois couleurs. Marc Robin qui chante une chanson de Montéus dans le cours de l'histoire. On est en République, c'était en 1908. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Adèle Caglar. Et aujourd'hui, nous réfléchissons à l'idée de République avec vous, Jean-Noël Jeannonet. Jean-Noël Jeannonet, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Le Rocher de Sustaine. Vous nous avez expliqué pourquoi ce titre de Rocher de Sustaine, titre merveilleux, mais en sous-titre, vous avez Mémoire 1942-1982. Dans la démarche d'écrire des mémoires, il y a quelque chose toujours d'intrigant, de se dire, dois-je tout raconter? Qu'est-ce que je dois éliminer? Comment avez-vous travaillé, en fait? Ah, je n'ai pas tout raconté. Il y a des aspects de la vie personnelle que je trouve devoir garder pour moi ou éventuellement pour des proches. Non, j'ai eu envie d'évoquer mon tracé, mon itinéraire dans la vie collective. Il y a des notations évidemment un peu personnelles, mais ça ne peut pas en être autrement. Mais c'est vraiment plus un miroir tendu vers la réalité plutôt que une introspection comme les journaux du 19e siècle, vous savez, Amiel et les autres. Ça n'est pas un journal introspectif. Il faut qu'on le sache si par hasard on a envie de regarder ce livre. Mais en même temps, évidemment, la personnalité de l'auteur compte et pèse parce qu'on regarde toujours de quelque part, on écoute de quelque part. Et c'est cette sorte de dialectique entre ce que j'ai pu être et ce que j'ai pu voir. J'ai vraiment vu beaucoup de choses, par chance. C'est cette dialectique-là qui, je me paraît, caractériser cet ouvrage que je propose au public. Oui, vous écrivez des mémoires et vous êtes vous-même porteur de mémoire. En soi, nous sommes chacun porteur de mémoire, une mémoire individuelle. En l'occurrence, cette mémoire-là croise des événements historiques, des personnages de l'histoire. Je voudrais que nous écoutions, tout à l'heure nous avons entendu Jean-Marcel Jeannet, votre père, votre grand-père, Jules Jeannet, c'est un enregistrement de 1938, quand votre grand-père rendait hommage à Armand Falière, qui fut président de la République de 1906 à 1913. Monsieur le président de la République, Mesdames, Messieurs, c'est chose sûre. Le président Armand Falière s'était interdit de composer le dossier de sa renommée. Nous n'aurons de lui aucun mémoire, pas même notre succinct de souvenirs. Il alla jusqu'à prohiber au confident particulier de sa pensée d'en rien publier. En cela, il mit assurément moins d'insouciance envers le jugement de la postérité que de confiance en l'impartialité de l'histoire. Jules Jeannet, votre grand-père. Éloquence très, très Troisième République, c'est martelé, qui devait être aussi celle de Clémenceau, son maître. C'est une éloquence, Troisième République, effectivement, on la retrouve. Cette République, Jules Jeannet est un personnage éminent de la Troisième République qui préside le Sénat. Quel est le parcours, en fait, qui conduit un enfant du peuple, de famille, alors d'agriculteurs, etc., conduit à la présidence du Sénat? Parce qu'il y a aussi cela qui nous pousse à l'adhésion républicaine, ou en tout cas qui a permis à la République de s'inscrire durablement, c'est d'ouvrir des possibles dans des existences individuelles. Et le jour où ça s'arrête, c'est mortel pour une République, bien sûr, même quand ça se ralentit. Oh, c'est un itinéraire assez classique sous la Troisième République. Son grand-père était paysan en Franche-Comté. Sa femme est morte du choléra en 1831. Il est venu tenir une petite auberge à Besançon. Son fils était saute-ruisseau, est devenu commissaire-priseur. Et le fils de celui-ci réussissait bien au lycée laïque. Il s'était détaché typiquement à 18 ans de la religion, toute religion, tout en restant très, très tolérant. Et il a été avocat, très brillant à Paris. Et ensuite, il s'est fait élire député. Il n'aimait pas d'ailleurs la Chambre. Il disait « Je n'aime pas le beuglant ». Mais en revanche, il était très heureux au Sénat entre 1909 et la Seconde Guerre mondiale quand il a été sénateur. Et apparemment, ses pairs l'appréciaient puisqu'ils l'ont élu président du Sénat. Par parenthèse, anecdotiquement, c'est grâce, vous voyez comment l'histoire est parfois étrange, c'est grâce à Gorgulov qui avait assassiné le président Doumer, le président de la République, en 1932, que mon grand-père est devenu président du Sénat. Pourquoi ? Parce que quelque temps avant, il avait été battu à deux voix à la présidence du Sénat par Albert Lebrun. Doumer est mort, Lebrun est devenu président de la République et lui a été élu quasiment à l'unanimité. Et ensuite, la considération des sénateurs l'ont maintenu dans ce poste jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il n'aimait pas d'ailleurs tellement le pouvoir. J'ai jamais très bien compris pourquoi, parce que c'est quand même merveilleux d'agir. Il avait accepté d'être secrétaire d'État de Clémenceau, mais il avait refusé à plusieurs reprises des postes ministériels. Il a accepté une dernière fois d'être au gouvernement comme ministre d'État en 1944, quand De Gaulle lui a demandé, dans le gouvernement provisoire, d'incarner en quelque sorte la continuité de la République. Je lui ai donné l'occasion de préparer le référendum de 45 et aussi de travailler à la création de l'ENA, par exemple, un certain nombre d'actions de ce type. Mais oui, voilà un chemin qui est assez représentatif de cette émergence des classes moyennes que la démocratie et la République permettaient. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas s'en contenter, car il est parfois dangereux que certains destins brillants servent d'alibi pour le fait que statistiquement, ceux qui les incarnent soient rares. Vous voyez, ça c'est un avertissement qui me paraît important. Oui, et je le retiens, cet avertissement. Effectivement, ne plus se reconnaître dans ce que peut proposer la République peut tuer la République. Et c'est vrai que vous évoquiez ces destins possibles, le fait que cela ne soit plus possible, ou en tout cas que certains considèrent que la République ne leur laisse pas la possibilité de le faire, est mortel et dangereux pour le régime lui-même. Il y a un autre aspect, c'était le caractère assez casanier de ce personnel politique sous la Troisième République. Un des rares qui parlait anglais, c'était Clémenceau, parce qu'il avait vécu aux États-Unis. Mon grand-père a très très très peu voyagé. Et par contraste, j'ai eu plaisir dans ce livre à raconter mes voyages. J'ai passé un an autour du monde grâce à une bourse merveilleuse après l'agrégation. Et je résume un peu certaines observations. J'ai aimé aller en Israël, en Jordanie, au Liban, aux États-Unis. Je raconte aussi tout ça d'une façon un peu ramassée, mais en essayant chaque fois d'extraire de mes souvenirs ce qui peut avoir une portée un peu durable. Je dirais pas universelle, ce serait vraiment me hausser du col. Oui, ce serait vous hausser du col. Et bon, au-delà de ça, mais ça va vous faire plaisir, ça se lit bien. Vous savez, moi je considère que c'est important que les ouvrages se lisent agréablement. Un des avantages de l'histoire par rapport à d'autres sciences sociales, c'est que nous continuons d'écrire en français, premièrement, et que la plupart de mes amis, de ma génération, et ceux qui suivent d'ailleurs, il y a d'excellents jeunes historiens, je vous l'annonce et vous les invitez souvent, que tous gardent un certain plaisir d'un commerce original avec la langue. C'est vrai que j'adore écrire et que je considère que la manière dont on exprime les choses est aussi importante que les choses qu'on exprime. C'est très important, d'ailleurs, vous citez les écrits du général de Gaulle, des écrits sublimes aussi. Oui, j'explique aussi pourquoi de Gaulle a tellement compté dans ma vie. Je n'ai pas fait un saint de vitrail, j'en connais toutes les erreurs et tous les échecs. Mais je dois dire que ma visite à Colombey en décembre 69 n'a pas diminué ma considération, tout en approfondissant ma réflexion sur ce personnage vraiment hors de pair. Oui, personnage remarquable, et c'est vrai qu'en lisant votre ouvrage, Le Rocher de Susteine, Jean-Noël Jeannet, nous avons, à travers votre regard, une approche possible de ces personnes. Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette double lecture que vous offrez de l'événement lui-même, de l'événement vu un peu en coulisses aussi, comme toujours avec un pas de côté. Mais oui, je suis contraint de le faire, ce pas de côté, puisque je suis en coulisses, notamment par rapport à la vie politique dans les années 60, que je peux suivre par le truchement de mon père, qui aimait beaucoup raconter à ses enfants, et notamment à son fils aîné. J'en ai profité, bien sûr. C'est vrai qu'il y a toujours un peu un pas de côté. Ensuite, quand à partir de 82, j'ai été chargé d'un certain nombre de responsabilités, notamment la présidente de cette merveilleuse maison, Réseau France. Alors là, disons que j'étais plus... Je pouvais moins faire ce pas de côté, tout en essayant quand même, grâce à un sens du cocasse, de garder quelques distances par rapport au personnage où désormais ma fonction me figeait. Voilà, bien sûr, parce que là, cet ouvrage couvre la période 1942-1982. Nous attendons la suite. Je vous la promets. Vous la promettez. Alors, cette suite, elle va pas arriver tout de suite. Il va falloir un peu de temps, j'imagine, pour l'écrire. J'imaginais bien. Bah oui, parce que ce n'est pas rien. Mais c'est vrai que là, nous allons avoir vos activités en responsabilité à Radio France, comme ministre également. Et c'est vrai que je pense que ça va être une autre lecture de ce parcours qui nous intéresse, hein, Jean-Noël Jeannet. Mais alors, de manière, là, sur un temps très court, que faites-vous demain dans Concordance des temps? De quoi allez-vous parler? Demain, je parle de la peste de Justinien avec Claire Sautinel. J'avais essayé de prendre un peu de distance par rapport à toutes ces catastrophes qui évoquent les nôtres, mais là, il m'a semblé intéressant de revenir sur un cas, un épisode de l'histoire de Byzance qui est méconnu et qui a eu une importance essentielle et qui ouvre sur des conséquences du genre écologique, géostratégique, morale, financière et autres, qui peuvent éventuellement susciter quelques vagues impressions d'écho aujourd'hui. Mais encore une fois, rien ne se répète jamais. Rien ne se répète jamais, mais on exagère l'inédit. On exagère l'inédit, ce qui est très intéressant, toujours ce recul que peut avoir l'historien. C'est ce que vous proposez un peu aussi hein, dans vos mémoires. Il y a par définition un recul dans ces mémoires. Donc demain, Concordance des temps, la peste de Justinien. Merci vivement, Jean-Noël Jeannet, d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre accueil. Merci vraiment, Xavier Mauduit. Et maintenant, il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, l'histoire est-elle guérie de cette épidémie qui nous gouverne ? Face à l'épidémie qui nous tient toujours masqués, les historiennes et les historiens ont été dans un premier temps un peu désarmés, voire franchement sidérés, comme une grande partie de l'humanité n'y voyait aucun reproche. De grandes traversées de l'humanité dans son histoire des épidémies se sont succédées dans la presse et sur les sites d'information,